والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله عز شأنه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. معشر المؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن من أعظم مظاهر العبودية لرب العالمين التي تعتبر من أعظم مقامات المؤمنين وأشرف منازل السائرين تعظيم الله تعالى وتعظيم حرماته، وأعرف الناس بالله جل وعلا أشدهم تعظيما له وإجلالا. وقد ذم الله عز وجل من لم يعظمه حق تعظيمه، قال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما لكم لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وفي الوقت نفسه يبين الله تعالى الخير الذي يجب على المؤمن أن يطلبه، فيقول تبارك وتعالى في كتابه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحرمات هي ما لا يحل انتهاكه، وهي الأمر والنهي، هي ما يجب احترامه وتعظيمه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فمن الأشخاص الذي ينبغي أن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وآل بيته وأهل العلم. ومن الأزمنة الأشهر الحرم وشهر رمضان، ومن الأمكنة مكة والمدينة وبيوت الله تعالى. Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Cher croyant, sachez que parmi les plus grandes preuves de l'adoration d'Allah, le fait de le vénérer et de vénérer ses interdits. Et les gens connaissant le mieux Allah, subhanahu wa ta'ala, sont ceux qui le vénèrent le plus. Et Allah dans le Coran a blâmé ceux qui ne le vénèrent pas comme il se doit. Allah dit dans Surat Nuh: qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives? Et en même temps, Allah dit dans un autre verset: et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Et il dit également: et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Les limites sacrées d'Allah sont les interdictions religieuses, les ordres et les interdits. Tout ce qui doit être respecté et vénéré en islam, protégé parmi les devoirs des individus, les moments et les endroits. Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah, rapporte selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est jaloux, et sa jalousie est suscitée lorsque le croyant fait ce qu'Allah a interdit. Parmi les individus à respecter et à vénérer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, sa famille et les savants de l'islam, al-ulama. Parmi les périodes, le mois de Ramadan et les mois sacrés. Et parmi les endroits, la Mecque, Médine et les mosquées. Ayyuha al-muslimun. سنحاول أن نجمل في هذه الخطبة بعض أحكام وآداب المساجد. فأول أحكام المساجد وآدابها عمارتها بالذكر والعبادة والعلم. وقت الخروج إلى المسجد من وقت الخروج من البيت وهو من أنفع الأدعية. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه أي وهو ذاهب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. هذا النور الذي فقده أكثر الناس هذه الأيام، صاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، صاروا يرون السنة بدعة والبدعة سنة. هذا النور أيها الإخوة الكرام لن تجدوه إلا في بيوت الله جل وعلا. من أراد هذا النور عليه أن يأتي إلى المسجد. وإن الله تبارك وتعالى ذكر بعد آية النور التي هي الله نور السماوات والأرض، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، إشارة إلى أن هذا النور العظيم لن تجده إلا في بيوت الله جل وعلا. شاب جل Dans ce discours, on va essayer brièvement de parler de quelques comportements liés à la mosquée. Le premier comportement, le fait de peupler la mosquée, de remplir la mosquée. Allah dit dans le Coran: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la prière, acquittent la zakat et ne craignent que Allah. Se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Les savants de l'islam disent: après avoir bâti une mosquée, il faut y passer du temps et la remplir d'adoration. Car malheureusement, il y a des gens qui se battent pour construire des mosquées, ici et là dans différentes villes. Lorsque la mosquée est construite, wallahi alhamd, les gens s'éloignent de la mosquée. Alors que parfois, ils font partie des gens qui se sont les plus battus pour qu'on construise la mosquée, et lorsqu'elle est construite, ils s'en éloignent. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il va venir une époque où les gens seront fiers de leur mosquée, mais ne les rempliront que très peu. Hadith rapporté par Ibn Khuzaima. En ce qui concerne le rappel, il commence dès la sortie du musulman de chez lui vers la mosquée. Et cela fait partie des meilleures invocations. Al-Bukhari au muslim rapporte selon Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation lorsqu'il se rendait à la mosquée: ô Allah, mets de la lumière dans mon cœur, de la lumière dans ma vue, de la lumière dans mon ouïe, fais qu'il y ait une lumière à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, en dessous de moi, devant moi et derrière moi, ô Allah, assigne-moi une lumière. Cette lumière que beaucoup de gens recherchent de nos jours, beaucoup de gens essayent de discerner le faux de la vérité, la sunna de la bida, le tawhid du shirk. Donc si la personne veut cette lumière, il faut alors se rendre à la mosquée. Donc les gens à notre époque voient la vérité fausse et la faux et le faux vérité. Cette lumière, le musulman ne peut la trouver qu'à la mosquée, dans la maison d'Allah. Voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit juste après le verset de la lumière, qui dit Allah nur as-samawati wal ard, il dit dans des maisons, des mosquées, que Allah a permis que l'on élève. Cela pour nous montrer que cette lumière, le musulman doit la rechercher et essayer de l'acquérir à la mosquée. Ma'ashara al-ahbab. ثم يأتي الذكر عند الدخول إلى المسجد والخروج منه. تقول: وأنت داخل بالرجل اليمنى خارج باليسرى. ما رواه مسلم عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. شفر سر. Vient ensuite l'invocation pour entrer et sortir de la mosquée. Beaucoup de gens oublient cette invocation. Le musulman doit entrer à la mosquée par le pied droit et en sortir par le pied gauche. Et il dit ce que rapporte l'imam muslim selon Abu Humayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il dise: ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Et en sortant, il dit: ô Allah, je te demande de ta grâce. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ayyuha al-mu'minun. فتبدأ من وقت الدخول إلى المسجد، وذلك بأداء تحية المسجد، وهي مستحبة عند جمهور العلماء، وبعضهم أوجبها. والمقصود من تحية المسجد أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين فأكثر، وتشغل هذه البقعة المباركة بالعبادة. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: إلا في وقتين لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وتصلى حتى أثناء خطبة الجمعة لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وناداه فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وفي رواية صلي ركعتين تجوز فيهما. Quant à l'adoration, elle commence dès l'entrée à la mosquée par le fait de prier deux rak'at qui s'appellent les deux rak'at de salut à la mosquée, tahiyatul masjid. C'est une prière très conseillée par la majorité des savants. Certains même ont dit qu'elle était obligatoire. Et le but de cette prière est de ne pas s'asseoir avant de prier deux rak'at ou plus. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Qatada, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'asseye pas avant de prier deux rak'at. Et dispense de ces deux rak'at la prière surrogatoire avant Sobh, ou bien avant Dhuhr, ou bien avant l'Asr. Bref, toute prière qui se fait avant les prières obligatoires. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'asseoir avant de prier deux rak'at ou plus. C'est pour cela que si l'un d'entre vous entre à la mosquée alors que les gens sont en train de faire la prière de Dhuhr par exemple, il n'a pas à faire tahiyat al-masjid après la prière car il se sera assis après avoir prié deux rak'at ou plus. Il faut donc prier ces deux rak'at à toute entrée à la mosquée sauf à deux moments. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux prières. Celle accomplie après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil et après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Ces deux rak'at doivent être priés même lorsqu'on entre pendant le discours du vendredi. Certaines personnes, lorsqu'ils entrent pendant le discours du vendredi, ils s'asseyent directement pensant qu'ils doivent écouter. L'imam Muslim, rahimahullah également, et dans le Bukhari, selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, un homme est entré à la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait le discours du vendredi. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé la khutbah. Lorsqu'il a vu s'asseoir, il lui a dit, as-tu prié? L'homme dit alors non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lève-toi et prie de rak'at. Et dans une autre version, il lui a dit, prie-les rapidement. Ibadallah. مجالس العلم فيها فإن الله تبارك وتعالى جعل الجلسة الواحدة في درس من الدروس كأجر حجة يحجها المسلم مصداق ذلك ما روى الإمام الطبراني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Cher serviteur d'Allah, quant au fait d'assister aux cours qui sont donnés dans les mosquées, sachez qu'une seule assise correspond à la récompense d'un pèlerinage. Selon Abu Umama, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui se rend à la mosquée en ayant pour seule intention d'y apprendre un bien ou l'enseigner, il aura la récompense d'un pèlerin dont le pèlerinage est parfait. » Le hadith est rapporté par Al-Tabarani. Et l'imam muslim, rahimahullah, rapporte selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'engage dans une voie à la recherche d'une science, Allah lui facilitera une voie vers le paradis. Et il n'est pas de gens qui se réunissent dans une des maisons d'Allah pour y réciter le livre d'Allah, le Coran, et de se l'enseigner réciproquement sans que ne descende sur eux la paix divine, as-sakina, et que la miséricorde ne les couvre, et que les anges ne les entourent, et qu'Allah ne les mentionne parmi eux, parmi ceux qui se trouvent auprès de lui. Celui qui se sera retardé par ses mauvaises actions, sa noblesse et sa réputation ne lui seront d'aucun secours. Ayyuhal mu'min, min adab al-masal. ملاقاة ربه جل وعلا معظما لجنبه، خير ما يلاقى الله به. وينبغي على المسلم أن يلبس ثوبا ساترا للعورة فلا يكشفها ولا يحجمها. يعني من الناس من يأتي للمسجد بلباس ضيق، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون لباس المؤمن في صلاته ساترا واسعا. وعورة الرجل من سرته إلى ركبتيه، وعورة المرأة جسدها كله إلا وجهها وكفيها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أهل السنن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ربي أحق من أتزين إليه، وإن تميما الداري رضي الله عنه اشترى رداء بألف درهم فكان يصلي فيه. شيخ قوي également le fait de s'embellir pour se rendre à la mosquée. Beaucoup de gens oublient cela. Allah dit dans le Coran: ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, vos plus beaux vêtements. Le sens de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de couvrir notre nudité. Mais il n'a pas dit dans ce verset: couvrez votre nudité. Ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande plus que le simple fait de couvrir notre nudité. C'est le fait de porter notre parure, nos plus beaux vêtements. Un vêtement approprié pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Un vêtement prouvant notre respect pour le Seigneur de l'univers. Le meilleur des vêtements est celui qui couvre la nudité, pas un vêtement serré. Il y a des gens qui viennent à la mosquée malheureusement avec des vêtements serrés. Le vêtement du musulman lorsqu'il prie, et toujours d'ailleurs, doit être large et propre. La nudité de l'homme est du nombril jusqu'au genou, et la nudité de la femme et tout son corps, sauf le visage et les mains. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: mettez vos vêtements de couleur blanche, car ce sont vos meilleurs vêtements, et servez-vous-en de la seuille. Ibn Omar radiallahu anhu mettait ses plus beaux vêtements pour aller à la mosquée, et il disait: mon Seigneur est celui qui mérite le plus que je m'embellisse pour lui. Et Tamim al-Dari avait acheté un pagne pour 1000 dirhams, et il le portait pour prier. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، نختم حديثنا عن أحكام المساجد وآدابها بالحديث عن بعض المخالفات التي تقع منا في بيوت الله جل وعلا قياما بواجب النصح. فمن الأمور التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الكلام عن الدنيا في المسجد، الكلام عن الدنيا في المسجد. وهذا من المخالفات الشائعة في مساجدنا اليوم إلا ما رحم ربك. ولا بد أن نبين أن هناك كلاما مباحا وأن هناك كلاما ممنوعا. أما الكلام المباح فهو ما لم يكن فيه تذكير بالدنيا وشهواتها ولا يدفع بالنفس إلى تطلعاتها، فإذا خلى من ذلك فلا بأس. فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وكانوا رضي الله عنهم يعني الصحابة يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسموا صلى الله عليه وسلم. فهذا وإن كان حديثا عن الدنيا لكنه لا يضر بالآخرة، إذ إن الإنسان إذا تحدث عن أمر الجاهلية فإنه يعتبر من ذلك ما يزيده شكرا لله جل وعلا على نعمة الإسلام. المقصود بالكلام الممنوع ما كان فيه خروج عن الأدب الشرعي، كحديث الشوارع الذي نسمعه اليوم في مساجدنا. كما يتكلم الإنسان في الشارع يتكلم داخل المسجد. بعض الناس يستورد الكلام الذي يسمع في المقاهي والملاهي إلى المسجد وفي المساجد تعظم وتزداد الحرمة. ومن الكلام الممنوع كذلك ما كان عن الدنيا، الكلام المحض عن الدنيا، أي عن البيع والشراء، عن الهدم والبناء. فلان له كذا، والآخر بنى بيتا في البلد، والآخر اشترى سيارة جديدة. هذا الكلام كله ممنوع، والمساجد لم تبنى لذلك. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، فيها اسمه. والآثر عن النهي، والآثر في النهي عن ذلك كثيرة جدا، منها ما رواه الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقا، ذكرهم الدنيا وحبها، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. وكذلك ما رواه ابن حبان أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. شيخ مسلم، nous allons finir ce discours en parlant d'erreurs commises par les musulmans dans les mosquées. Et cela entre dans le conseil du musulman pour son frère musulman. Il est donc important de ne pas tomber dans ces erreurs. Premièrement, le fait de parler des choses de ce bas monde à la mosquée. Et cela fait partie des erreurs les plus propagées dans nos mosquées. Les gens ont la même parole en dehors de la mosquée qu'à l'intérieur. Sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Il faut donc distinguer deux choses. Il y a des paroles autorisées dans la mosquée et des paroles interdites. Les paroles autorisées sont celles dans lesquelles il n'y a pas de rappel des délices de ce bas monde et de ses plaisirs. Les paroles qui incitent l'âme à espérer ces choses, et donc cela fait partie des paroles sur ce bas monde. Et ce qui est excepté cela, cela est autorisé, inshallah. L'imam muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait la prière de l'aube, il ne se levait pas jusqu'à ce que le soleil se lève. Il restait assis à l'endroit où il avait prié. Puis lorsque le soleil se levait, il se levait sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons parlaient alors de l'époque anté-islamique et ils riaient de cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait. Donc ils parlaient de choses de ce bas monde, mais cela n'avait pas d'impact sur l'au-delà, car ils tiraient des leçons de cela et ils se rappelaient les bienfaits de l'islam. Donc les paroles interdites dans les mosquées sont toutes les paroles non conformes au comportement musulman, comme la parole des rues. Certains parlent la même parole qu'il y a dans les rues. Il y a des gens qui importent des paroles que l'on entend dans les cafés, d'autres qui importent des paroles que l'on entend dans les cours d'école, sans parler de ceux qui médisent, calomnient et insultent. Tout cela est interdit en dehors de la mosquée, et pire encore dans la mosquée. Parmi les paroles interdites également, ceux qui parlent de vente et d'achat: j'ai acheté telle chose, j'ai vendu telle chose, j'ai construit ma maison au bled, je l'ai fait détruire. Tout cela n'a rien à faire à la mosquée. As-tu vu le dernier modèle de voiture? As-tu vu le dernier modèle de portable? Tout cela également n'a rien à faire à la mosquée. Allah dit dans le Coran: dans des mosquées que Allah a permis que l'on élève et où son nom doit être invoqué. Donc c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être invoqué à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y aura à la fin des temps des gens qui viendront à la mosquée s'y asseyant en cercle et parlant de ce bas monde et de leur amour pour lui. Ne vous asseyez pas avec eux, car Allah se passe très bien d'eux. Le hadith est rapporté par Ibn Hibban. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne rendez pas vos mosquées telles des rues, mais pour vous rappeler d'Allah et pour faire la prière. كذلك نختم ونجيز بإذن الله الأمر الأخير: رفع الصوت في المسجد. رفع الصوت في المسجد، قال العلماء: لا يرفع الصوت في المسجد إلا بالأذان وتعليم العلم. لا يرفع الصوت في المسجد إلا بالأذان وتعليم العلم. حتى غلظ الإمام مالك رحمه الله في هذا الأمر فقال: حتى في التدريس لا يرفع الصوت. كان الإمام مالك يرى الصوت لا يكون إلا في الأذان، فما بالكم بمن يرفع صوته بغير العلم كنداء شخص أو ضحك أو جدال أو خصام. يزيد رحمه الله قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل رمى إلي يعني حصب فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين بهذين الرجلين فجئته بهما فقال رضي الله عنه من أنتما ومن أين أنتما قال نحن من أهل الطائف فقال عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pour finir, chers frères et sœurs, le fait d'élever sa voix dans la mosquée. Les savants de l'islam disent, on n'élève pas sa voix à la mosquée, on élève la voix à la mosquée que pour l'adhan et pour enseigner aux gens. L'imam Malik, rahimahullah, allait encore plus loin. Il disait que même pour enseigner aux gens, on ne doit pas élever sa voix à la mosquée. Donc que penser des gens qui interpellent un autre dans la mosquée? Il interpelle et il lève sa voix. Ou d'autres qui rigolent aux éclats, ou d'autres également qui se disputent avec d'autres et qui élèvent leur voix. Dans Sahih l'imam Bukhari, selon Sa'ib ibn Yazid, radiallahu anhu, il dit, je me tenais debout dans la mosquée quand quelqu'un me lança un petit caillou pour attirer mon attention. J'aperçus alors Omar ibn Khattab et il me dit, va me ramener ces deux hommes. Il y avait deux hommes dans la mosquée, il me dit, amène-les-moi. Ce que je fis, et il les interrogea en leur disant, qui êtes-vous et d'où êtes-vous? Les deux hommes dirent alors, nous sommes de la ville de Taif. Omar ibn Khattab leur dit alors, si vous étiez des gens d'ici, je vous aurais alors fouetté pour avoir élevé votre voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-adab bi masajidina wa an yarzuqana 'imaratuha Allahumma 'ammir masajidana bil ikhlas wa bil 'ilm wa bi dhikri wal 'ibada ya rabb al 'alamin Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawl wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawl wa 'amal Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم أنجز مشروع المسجد اللهم أنجز مشروع المسجد يا رب العالمين واجعله خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة تربية الأجيال القادمة فإن أبناءنا كما تعلمون قد نسوا دينهم وضلوا باش نكونوا واضحين لا يحتاج أن نكذب على أنفسنا فإن أبناءنا ضل كم عدد الشباب هنا؟ القليل فأسأل الله تعالى أن يرد الشباب إلى دينهم ردا جميعا اللهم حبب إليهم